Planet Rap. À partir de maintenant, Sopranbaba. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Soprano. Skyrock. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Soprano. C'est maintenant sur Skyrock. C'est parti, une nouvelle soirée. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Bonsoir Sopra, comment ça va? Impeccable. Ouais, on est en direct avec Soprano. Je suis obligé de le préciser. Oui, parce que j'ai vu un Insta ce matin à 6h20. On était au studio avec des amis. Qui? Non, je t'ai dit que je ne dirais pas. Et on a fini le studio à quelle heure? 7h. Mais j'y avais qui? Ah, je sais pas, tu dormais. Tu connais aussi. Non, allez, on va lui dire la vérité, il y avait Drake, Eminem, wow. Lil Wayne, Jay-Z, il est venu Snoop, quand même. Snoop. Voilà. Ouais, Snoop est à Paris. Hein. Voilà, Snoop, il a essayé de s'incruster en Mais Snoop, Birdman, il est traîné, il a traîné avec Jamali toute la soirée. Dangereux, Birdman. Non, mais j'ai discuté business. Bon, tout va bien? En pleine forme? Toujours. Un petit peu crevé, mais voilà. Mais, tu dis la vérité, quand je vois les messages qu'on m'envoie, que ce soit sur Insta, est, Instagram, ou sur tout ça, franchement, je te dis la vérité, bien sûr, ça va. Le hashtag Soprano sur Skyrock, vous balancez, bombardez de messages. Allez-y, la tournée, elle repart le 10 mars du côté du Zénith de Toulouse. On va en parler juste avant, on se rappelle ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Je pensais faire un début d'émission tranquille, calme. Je me suis dit, les deux petits fougueux énervés ne sont pas là, Sopra. Et tu me les... Bonsoir, bienvenue, c'est Planet Rap avec Sopra. Comment ça va, Sopra? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils arrivent. T'es content, il y a tes frangins qui sont arrivés? Ils arrivent, ils foutent le bordel. Ils sont fous. Ça va, messieurs? Ça fait plaisir de vous revoir, en fait. En fait, c'était bien. C'est un bon petit moment, c'était bien. Eux, ils sont avec moi sur scène depuis la tournée d'avant, l'autre tournée aussi. Et à chaque album, ils sont avec moi et c'est eux qui me boostent. On va dire qui me donnent la force comme Alonso et Vince. On était ensemble, tu vois. Donc ça fait depuis des années, ils sont toujours avec moi. Ouais, les gens, tout ça, le public, ce que vous ressentez et tout, c'est fou. C'est bonne vibe. Surtout que ça s'amuse, quoi. Tu ressens vraiment ce que tu donnes au public, il te le redonne en fait. Comme à chaque fois, on fait des super concerts, le public il est super avec beaucoup d'énergie et surtout positif. Ça ramène ça dans le tourbus et on passe des super moments. C'est des choses d'ailleurs, vous parlez beaucoup avec les parents de ça, de cette histoire d'être parti des Comores. Ouais, je l'ai écrit dans mon livre Mélancolique Anonyme. Je l'avais écrit. Mon père, c'est vrai qu'à un moment donné, il est arrivé. Je me rappelle quand j'avais raté le bac, il est venu me voir. Il m'a dit Tu t'en fous. Moi, j'ai quitté. J'ai pas vu mon père mourir. J'ai pas vu ma mère mourir. J'ai pas vu mes amis. J'ai quitté tout ça pour que vous ayez un truc. Et toi, tu en as rien à foutre. Tu me dis que tu fais du son des bandits. C'était hier soir. En direct sur Skyrock. Répétition live en direct de Skyrock. Fresh Prince. Yeah. On danse quoi, Fred? Remets-nous des glaçons. Va tomber, Jeffrey. Remets-nous des glaçons. Frédérico. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Voilà, avec ce live incroyable de Fresh Prince. Avec le grand écart de Fresh. Avec le grand écart, j'ai tout donné hier soir. Alors, ce soir encore. Tout donné. Cette vidéo a tourné un truc de fou. Elle est dispo sur Skyrock FM, hein, sur la chaîne Skyrock YouTube. Également, on peut la trouver sur leplanetrap.skyrock.com. D'ailleurs, pour retrouver tous les débriefs de l'émission aussi sur leplanetrap.skyrock.com. Petit coucou à Lila qui fait un bon taf et qui chaque jour nous fait un petit débriefing de ce qui se passe dans l'émission. Vous pouvez consulter sur leplanetrap.skyrock.com. Il y a des gens qui arrivent. Je vois un gigoteur parmi les gigoteurs qui vient d'arriver. Il y a Monsieur Vicenzo. Eh oui, il est arrivé. Est-ce que mes gigoteurs sont là ce soir? Eh, on est tous là. Attends, on essaie. En début de semaine, on parlait de toi. T'étais loin. J'étais même très loin. Très loin. Très loin. J'ai écouté Skyrock. Comme quoi, tu as écouté Skyrock hier. Un petit avion direct. Un petit coup de jet privé, vite fait. Voilà. J'imagine comment il est. Gigoteur Airlines et le mec est arrivé. Il a attendu ma mauvaise prestation d'hier en fait. Tu vois, comme j'ai mal refait. C'est vrai. Il a dit, je prends l'avion, je reviens. Tu sais que t'as pas entendu Zach ce qu'il a fait? Ah non, j'étais carrément déconnecté. Il a massacré le Fresh Prince. Il faut que tu lui donnes des cours de Oncle Phil. Mais je te crois pas. D'un coup, je sais pas, mais je te crois pas. C'est vrai ça? Ouais, il a fait mal. Il a fait. C'est pas beau. Ah ouais? Rien ne vaut le véritable. Le vrai gigoteur est là. En tout cas, ça fait il plaisir. Il a pas gigoté. Bon, tout va bien. Ça fait plaisir parce qu'on va, on va pouvoir parler un peu. J'aurais aimé qu'il y ait Walidia, mais il a pas pu venir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je voulais faire une spéciale, vraiment une spéciale. Gigoteur. Le phénomène. Ce qui s'est passé autour de Fresh Prince. Et c'est vrai que Walidia a fait un super truc aussi. On peut le saluer. C'est un comique en spectacle, Walidia. Allez le voir. Voilà. Il est très très fort, Wally. Mais on en parlera tout à l'heure. Avant de commencer avec tout ça, je suis obligé de préciser un truc parce que tout le monde m'envoie des magnifiques messages. Voilà, merci. On vient d'envoyer le clip il y a 2-3 heures de Clown. Et on reçoit des messages magnifiques. Donc merci à tout le monde. Voilà, le clip est enfin en ligne. Beaucoup disaient, mais qu'est-ce qu'il attend? Et il y a une petite surprise à la fin qui répond à beaucoup de questions. Voilà. C'est ah oui, on peut pas le dire tout de suite. Bon, non, ceux qui l'ont vu savent. Voilà. Mais il y a une petite surprise. Voilà. Voilà, vous continuez à réagir avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Tu parlais de surprise, moi aussi, j'ai une surprise et un cadeau. Tu sais qu'à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, regarde. En plus, c'est pas moi, regarde. C'est le garçon qui est là juste derrière. Il m'a dit, file ça à Sopra parce qu'on a loupé son anniversaire. Donc, il t'a. Voilà, regarde, il a fait. Donc, on commence peut-être par le gâteau avant. Ça va, toi? Avant qu'on soit fâché. Ah ouais. Commence par un joli. Regarde, attends, regarde. Ouvre le gâteau. Il n'a pas fait encore. Un gâteau. Si je connais son écharpe, je dois connaître un peu son gâteau. Non, regarde-moi ça. Ah, ça va, je croyais qu'il avait mis Planet le truc du Ça va pas ou quoi? C'est pas le genre de la maison. C'est le gâteau Planet Rap Cosmo Tour, il est au moment, tiens. Ça va. Magnifique. Merci beaucoup. Avec en plus le petit sourire de l'album dessus. Voilà. Ah. Et il t'a apporté aussi un autre cadeau qu'il voulait à tout prix que je te remette. Celui-là, par contre. Non, merci beaucoup. Voilà, un joli cadeau en plus qui va aller très bien avec la soirée de ce soir. Tu vas comprendre pourquoi. On le regardera tout à l'heure. On regardera le cadeau. Mais en tout cas, merci. On le regardera tout à l'heure. On le regardera tout à l'heure. Surtout qu'il y a mon ami, là, Louis, il va être trop content si je l'ouvre. Et Fab aussi, il sera trop content. Donc t'as vu ce que c'était? J'ai vu 2 secondes. Je le montre tout à l'heure. Je ne fais pas de pub pour ça. Merci beaucoup. Merci. Alors peut-être parlons du grand match PSG Monaco ce soir. Il y a match? Parce que nous, on est dans toutes les coupes, on est partout. Donc ce soir, évidemment qu'on joue. Excusez-nous, vous avez un petit pronostic peut-être, PSG-Monaco Franchement, je sais pas. La royauté, c'est intéressant ce temps-ci, la royauté. Vous avez bien changé, vous avez bien changé. Kurzawa. Je crois que le gigoteur est envahi en ce moment. C'est simple, je viens d'arriver, je me suis mis un peu à jour. Donc là, je suis carrément. J'ai les piles rechargées. Tu es reconnecté. Oh voilà. Oui, allez, on balance un premier morceau. Qu'est-ce qu'on met, le Cosmo? Allez, on se met le Cosmo Live. Cosmo Live. Que les gens peuvent récupérer sur iTunes. Ah, yes. C'est quoi? C'est la version publique que tu veux? Ouais, publique. Ok, version publique du Cosmo Tour. Ça, si vous précommandez l'édition collector justement de Cosmopolitani, vous verrez, il y a des lives. Il y a quoi? 6-7 lives dessus? 7 lives, c'est ça. 7 lives dessus. Vous récupérez cette version-là de Cosmo. Et celui-ci, on peut l'avoir tout de suite à la maison. Direct, à la maison. Un download. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Allez, on écoute Cosmo. En copie de Sopra. Ok, le dernier mot que je veux dire maintenant, c'est tout le monde, les bras en l'air. Thank you. c'est Soprano toute la semaine avec nous et le Cosmo Tour qui repart. Vous allez pouvoir chanter ce morceau. Allez, combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il te plaît, tranquille. J'ai 13 quand même fois. Tranquille. Allez-y, 13 fois. 13 fois pour le non, chiffre 13. 13 Marseille. Eh oui. 13, waouh. Tu sais qu'il l'a fait 8 fois déjà. Il était avec moi. Ah, il était là ce soir-là quand on a eu ce live. Penses-tu qu'il aurait pu faire ça sans moi? Voyons, impossible. Il était là ce soir-là. Bon, Vince, tu seras sur une partie des dates aussi au Portugal? Oui, je serai là, comme d'habitude. On donne la force aux frangins. Et Oncle Phil sera là. Histoire d'enjailler et de gigoter ensemble, quoi. Très bien. Mais justement, on va profiter, on va parler un peu justement de ce qui s'est un peu passé. Moi, tu vois, quand on a fait le morceau Fresh Prince, j'avoue qu'on n'avait pas. On n'avait pas pensé qu'il allait marcher autant. Parce qu'on s'est dit quand même, c'est des références que vraiment qui parlent à une génération. Et on savait pas que ça allait faire carrément un phénomène, le phénomène Jeffrey, le phénomène Carlton. Et ce qui est super cool, ce qui s'est passé avec cette chanson, ça a donné tellement de bonheur à des gens que ça a créé plein de trucs. Par exemple, Walidja, je lui fais une grosse dédicace. À un moment donné, il fait son spectacle. Tu vois, au début, il fait son spectacle. Il fait son spectacle parce qu'à la base, il est comédien. Quoi, il est comique. Ouais. Et pendant son spectacle, tu entends tout le monde qui lui coupe, qui font Jeffrey, remets-nous des glaçons. Donc, il peut pas terminer ses spectacles. Il peut pas terminer, ouais. Donc, à un moment donné, il s'est dit, on va jouer avec ça, vu qu'il est en train de me gâcher la vie. Je vais jouer à faire des vidéos. Et les vidéos, à chaque fois qu'il faisait une vidéo, ça faisait des vues de fou. Il s'est dit, on va faire une parodie. Et la parodie a. Et son spectacle est encore plus gâché maintenant. Parce voilà. Que... Depuis maintenant, il marche dans la rue, il s'appelle Jeffrey. Jeffrey. Voilà. Et il y a eu un truc aussi qui s'est passé qui est magnifique, c'est que Vince et Monsieur DJ House, qui est Carlton dans le morceau, dans le clip. Ils ont monté une sorte de tournée, ils font tous les clubs, et il va vous expliquer comment ça se passe. Alors, le premier club, c'était quand? Le premier club. Parce que c'est parti d'un délire, en fait. Ouais. Exactement. Le premier club, c'était au studio, le 3 janvier. Et alors Ça va, c'était cool. Bien. C'était, pour la température, c'était cool. Et au fur et à mesure, c'est quoi le concept de la Jeffrey Party? Donc c'est moi et DJ House, donc Monsieur Oncle Phil et Monsieur Carlton. On arrive en club, on voit la température, on voit comment ça se passe, s'il y a des gigoteuses, s'il y a des gigoteurs. On prend le micro, on prend les platines, on fait gigoter un peu tout le monde et on danse à la Carlton comme pas possible. Il y a un concours à la fin. Et bien sûr, il y a un concours de danse à la Carlton. Ce dont les clubs ont franchement, il y a de sacrés danseurs en France. Ah, il y a de sacrés danseurs à la Carlton en France. Je sais, tu en parles. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des jets de glaçons que tu peux même pas t'imaginer. Wow. Moi, j'en ai vu une. Ah oui, forcément, il y a les glaçons qui vont avec, quoi. Il y a forcément les glaçons qui vont avec. Donc, je vais déjà faire une grosse dédicace à notre Jeffrey qui nous suit, Hamid. Et donc, ensuite, voilà, au fur et à mesure, ça s'est bien terminé. On a arrêté. Mi-février, mais on a. Voilà. Et peut-être d'autres dates, qui sait. Hein. Non, la rentrée. Maintenant, c'est fini. La rentrée, c'est après-demain. Et on repart en tournée. On repart dès vendredi 6. Quelques after-concerts. À l'occasion de. Il reste peut-être quelques glaçons qui traînent. Il en reste toujours. Ouais. Mais là, voilà, donc là, on repart. Le concept French Prince, un peu en club, c'est la Jeffrey Party. On est là, bonne humeur. On fait gigoter un peu les danseuses et les danseurs. On laisse des glaçons. Il y a des concours. Il y a des bourrichèques. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Voilà, tout ce qu'on aime. Et ça se passe bien. Il y a un bon délire et les clubs, ils sont à chaque fois contents. Donc, big up à tous les clubs qui nous ont accueillis. Qui vont nous accueillir, j'espère, au prochain. Mais franchement, big up à tous, parce que ça a été vraiment, vraiment génial. Eh bah, terrible. Ça fait tarpin plaisir, comme on dit chez vous. Et là, dès vendredi, on repart dans le sud, dans le 30. C'est, si j'ai pas de conneries, c'est la boîte. C'est où? À l'angle. C'est au Vernim, par là, non? C'est à l'angle, c'est pas très loin. Et après, et le 7, on est à Bolène, au Papagayo. Donc voilà, on est là. Eh ben, allez rencontrer l'oncle Phil. Ouais. Allez rencontrer Carlton et toute l'équipe. Ils sont en concert avec nous. Hein, Avec toi, Sopra, à partir du 10 mars au Zénith de Toulouse. Voilà, et on organise carrément à chaque fois pendant le show, quand on fait Fresh Prince, on fait carrément un concours sur scène aussi. À chaque fois, il y a les danseurs qui sont avec nous, mais on parlera des danseurs demain tranquillement. Mais il y a aussi toute l'équipe et on se fait chaque fois un concours de danse sur scène et avec le public. Génial. Et tiens, voilà. D'ailleurs, je vais te demander aussi à Vince, comment tu trouves le décor? Bien, hein? J'ai rien. Ah ben, écoute. Il essaye de sortir des trucs, j'ai rien. Chaque fois qu'il balance un truc, le truc. Mais il est malin parce qu'il sait que je t'ai déconnecté. Ah ouais. Il est malin. Un moment de faiblesse. Il est malin. À Londres, il avait balancé Gignac. N'oublie pas dans le clip. Oh putain. À nous, il avait balancé quoi? Moi, j'ai balancé qui? Je n'ai pas balancé Gignac. On m'a dit ça. Je n'ai pas. On m'a dit ça. Momo. À Dog. J'ai rien dit. Ah bon, ça va. Okay, j'ai failli dire, mais je n'ai pas dit. Bon, ça va. Je crois que j'ai dit Big Mac, fait pour donner un aperçu. Voilà, c'est ça que je me rappelle. J'ai donné un indice en disant Big Mac, mais sinon, j'ai pas donné le reste. On a passé les Zach et Diego qui sont là, qui seront aussi avec le morceau Mama en tournée avec toi aussi. Voilà, yes, on va le passer sûr, encore, on va le passer encore sûr, tout à l'heure. Voilà, j'ai ma petite minute de Planète Rap encore une fois. Ma première fois. Attention, donc, top voilà. Chrono. Top chrono. Non, voilà. Tu veux qu'on le mette maintenant d'ailleurs? Ouais, si, vas-y, on le met maintenant. Ah, mais je l'ai pris à dépourvu en fait. Ah, ouais, là, tu l'as pris en traite là. mais comme je sais qu'il est tout, attends, mais je. Vous avez des moments d'ailleurs sur scène, des moments compliqués avec Mej? C'est arrivé avec Sia, je sais qu'il y avait eu des. Mej, il est au top. Frère, arrête. Je dis pas que Sia n'est pas au top. Mais ça peut arriver parfois un truc qui se débranche, un machin, ouais, où il faut combler. Justement, ils sont tellement forts. Quand il y a des trucs qui se passent, que ce soit Mej ou Sia, nous on le sait toujours après le concert. Il s'est passé ça. Parce que c'est des minces. Un jour, par exemple, on a fait un concert, on était en train de rappeler l'ordinateur, je crois qu'il avait bugué, il a eu un problème. Pendant que je parlais, ils ont fait un changement d'ordinateur. Ils ont initialisé l'ordinateur, ils ont mis un nouveau logiciel, on n'a même pas s'appelé. Ils sont partis à la fin qu'on cherchait, hein. Ils sont revenus pendant que tu parlais toujours. Tu peux monter des salles, j'ai les meilleurs. Rappelle tous les DJ de France, frère. Impossible à tester. Mais par contre, on y est ou on n'y est pas? Donc, attends, pendant qu'ils préparent, c'est Mama. Et le clip arrive quand d'ailleurs? C'est Mama. Le clip arrive quand, Zach et Diego? Le clip, il arrive vendredi. Allez sur le Facebook, Zach et Diego. On vient d'envoyer un teaser. Voilà, sur le Facebook. Voilà, la page, c'est Zach et Diego. Tu vois, j'étais pas au courant, en fait. Voilà le nouveau morceau. Écoute, tu l'as entendu? Non, eh ben, écoute, c'est la première fois. Zach et Diego. Wow. Oh, m'a dit, car j'en tombais du ciel. Oh, maman, j'en rêve, si tu savais. Étranger, vu des mauvais oeils. Oh, maman, j'ai peur, si tu savais. Entre ici, de partir là-bas. Des sacrifices pour toi, je compte pas. Te mettre à l'abri, c'est l'essentiel pour moi. Je quitte le pays et le reste on verra. Oui, allô maman, comment ça va? Je suis arrivé, je ne galère pas. S'il te plaît maman, ne t'inquiète pas. Bientôt je reviens, de l'argent plein les bras. Je quitte mon pays sans ailleurs. Je reviendrai maman, pour construire un chapeau. Les années passent, je me débrouille même si ce n'est pas facile. Les années passent, même loin de vous, j'oublie pas mes racines. J'essaie de rester fort quand tu fonds en larmes dans ce taxiphone. Je me tue à la tâche, ta peau plaque, tes nuits passées à la plonge. Je fais pour toi, maman je pense à toi. Oui allô maman, comment ça va? J'espère que tu reçois les mandats que je t'envoie. S'il te plaît maman, ne t'inquiète pas. Bientôt je reviens, de l'argent plein les bras. Je quitte mon pays sans ailleurs. Je reviendrai maman pour construire un château. Je prie tous les jours le Très-Haut. Pour revenir maman, je serai ton héros. Maman, ton fils a trouvé l'amour de sa vie. Je rêve de te la présenter. Maman, tu seras bientôt la plus belle de ma vie. Elle arrive en février. Comme tu vois, je n'ai pas lâché. J'attends toujours d'avoir mon visa pour venir t'embrasser. Ils m'ont dit que c'est pour bientôt. Les poches remplies d'euros. Préviens le village que c'est le retour de ton héros. Je quitte mon pays sans ailleurs. Je reviendrai maman pour construire un château. Rama à l'instant, Zach et Diego, le clip arrive vendredi. Et il est dispo, ce morceau avec Sopra. Oh yes. Wow. Je compte faire une grosse dédicace parce que voilà, le morceau, il est pas en radio. Il cartonne sur iTunes. C'est une bonne nouvelle. Gravement plaisir. Merci beaucoup. Oui, attendez, bon. Mais que dit Oncle Phil? Mais quel morceau de Zouk conscient? Wow! Toujours une bonne occasion de gigoter. Il veut nous avoir, lui. Je gigote ce soir, ce soir. Ah ouais, ça... Wow! Oh là. C'est pas mal. Un gros big up à Mr. Vince. Merci. Qui est parmi nous aussi. Qui vous a inspiré aussi pour le projet. Il est parmi nous dans le projet. C'est un vrai projet familial. Famille. Et bah, ce sera la courant de l'année 2015. Voilà. Dédicace à tout le bal Ashraf. Et merci à tous ceux qui ont compris le morceau, pour tous vos messages. Merci beaucoup. Ouais, surtout, et allez, c'est tout nouveau pour moi. Et si vous les suivez d'ailleurs, Zach et Diego, on peut vous suivre un peu partout sur le net. Sur tous les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, Insta, Twitter. C'est toujours pareil, Zach et Diego, tout attaché. @ pour le Twitter. Eh ben, ne bougez pas, dans un instant, on va revenir, Sopra. On mettra un morceau, quoi, du live. On mettra un morceau de l'album. Ou un morceau de l'album, très bien, t'as une petite idée. Oui, c'est mieux ça. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de Vince et Oncle Phil a une petite idée, peut-être, de l'album. On peut mettre. Vous voulez réfléchir pendant la pub? Ouais, on réfléchit un peu. Allez, réflexion. Et on revient dans un instant, bougez pas, Sopra de retour pour le Cosmotour. Ladies and gentlemen. Même son enfant, la famille, c'est son prénom dans Planète Rap. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir avec Soprano en direct sur Skyrock. Oui, la police l'a raccroché. Hashtag, vous vivez les moments off de Planète Rap. Peut-être qu'on va avoir quelques infos quand ils parlent entre eux. Hashtag toujours stylé. Quand l'équipe parle entre eux. Mais non, rien, pas d'infos, nada. Non, tu n'as aucune info sur le décor de la tournée. C'est Soprano avec nous, il y a Zach et Diego, il y a Monsieur Vince qui nous a rejoint aussi. Monsieur Oncle Phil est toujours là pour gigoter. Pardon, je sais plus, en fait, t'es schizophrène, on sait plus en fait. Oncle Phil. Un coup tu es habité par Oncle Phil, un coup Vince revient. C'est l'année d'Oncle Phil. Tiens, hier on avait fini l'émission, je voulais en parler, bon, je vois pas en même temps la marque de fringue. C'est aujourd'hui, putain, en dessous. On avait dit qu'on dirait un mot. On avait dit qu'on dirait un mot. C'est une marque que tu lances, que tu as lancée. Mais oui, ça s'appelle Quell. C'est ma marque d'habits que j'ai travaillé. Ça fait un an et demi ou deux. On travaille dessus. Ça fait longtemps. Quell, comment on peut traduire Quell? En comorien, ça veut dire Quell. Pour ceux qui se rappellent du morceau Chéri Coco, je disais à la fin de la chanson, je disais Zakweli. Ah oui, Zakweli. Voilà. Ça veut dire, c'est ça qu'est la vérité. Zakweli. Voilà, et en comorien, Quell, ça veut dire vrai, ça veut dire honnête, authentique. Voilà, quelqu'un de. Yo Quell, c'est quelque chose, ça c'est la vérité. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est ça. Voilà, donc. Et alors, on peut la trouver ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui demandent où est-ce qu'on la trouve. Ouais. Normalement, dans deux semaines, c'est à peu pratiquement dans beaucoup de magasins. Mais il y aura une liste, on va mettre une liste de tous les magasins. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. On va mettre une liste dans les magasins, des magasins sur les réseaux sociaux. Voilà, le site internet, il s'appelle Quell. Voilà, Quell.com. Voilà. Donc, allez, retrouvez tous les magasins, toutes les boutiques officielles qui vendra la marque Quell de Soprano, surtout sur le site Quell. Voilà. C'est K-W-E-2-L. Quell. Voilà, c'est ça. Tu roules ça. Le L. Voilà. Yes. Et je suppose qu'on pourra aussi retrouver peut-être des stands pendant la tournée. Ouais, bien sûr. Il y aura ça. Il y aura le merchandising. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé le t-shirt Fresh Prince. Yeah. Ça, ils peuvent le trouver sur le soprashop.fr. Il y a aussi celui de Clown qui vient d'arriver. Ah, je n'ai pas vu celui-là. Ouais, il vient d'arriver. Il est tout frais. Il va voir aussi, même, on va ramener, si le patron y veut, Monsieur Vince. Il y aura du H-Touch aussi. Ça, c'est ta marque. Yep. Voilà. H-Touch. Voilà. Edge Touch. Et on attend qu'Alonze il monte la sienne, comme ça on la met aussi. Ouais, voilà. Alonze qu'on salue, qui n'est pas là avec nous parce qu'il a pas mal de taf en ce moment sur. Lui, il est sur la tournée. Là, il est sur la tournée. Là, je crois qu'il commence bientôt. Là, il fait les clubs. Il a commencé. Voilà. Et si les gens ils veulent voir un peu. Il y a un méchant teaser là, d'ailleurs. Franchement, ça donne envie d'aller à ses concerts. Voilà, c'est une ambiance de fou. Et en tout cas, vous pouvez le suivre sur AlonzoPsy4 pour Instagram ou AlonzoPsy4 sur Twitter. Vous allez tout trouver pour les dates de concert de Monsieur Alonzo Pape. Yes. On met un morceau? Ouais. On avait dit quoi alors? Alors on va se mettre. Vous deviez réfléchir pendant la pub. Ben, il y a beaucoup de gens qui nous demandent Luna. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Luna. Tellement on se demande si on va pas le clipper celui-là. Et on va mettre Luna version live. comme on le fait en concert. Eh bah, ben très bien. Yes. C'est parti. Ah voilà. Vous voulez que je vous raconte son histoire? Alors je vais vous raconter l'histoire de Luna. Est-ce que vous connaissez? Yeah. Je vais vous raconter son histoire. Petit zèbre, mon petit zèbre, mon petit voyou. Yeah, mon casse-tête. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mon petit zèbre est un voyou. Elle ne suit aucun troupeau. Elle sait comment me rendre fou. Quand ses caprices me prennent au mot, elle réveille le huc en moi que j'ai su canaliser. Quand elle devient à la maison, elle met les ventes dans un musée. Mais pourtant, c'est fou comme elle est belle. Elle m'est tombée du ciel. Ses joues au bout de miel ont transformé mes lèvres en milliers d'abeilles. C'est fou comme elle est belle. Je remercie le ciel. Comment lui dire non quand elle me dit papa je t'aime. Luna, j'ai toujours rêvé de toucher la lune. Ta mère me l'a décroché de la Luna. Ce soir Pierrot m'a prêté sa plume. D'un shérif, elle fait la loi dans mon foyer. À elle tout seul, c'est une manif. Quand elle n'aime pas le dîner, elle se bavane comme un bandit. Elle raquette ses frères et sœurs. Elle n'a que 2 ans et demi. Et c'est déjà une terreur. Mais pourtant, c'est fou comme elle est belle. Elle m'est tombée du ciel. Ses joues au bout de miel ont transformé mes lèvres en milliers d'abeilles. C'est fou comme elle est belle. Je remercie le ciel. Comment le dire non quand elle me dit papa je t'aime. Luna, j'ai toujours rêvé de toucher la lune. Ta mère me l'a décroché de la lune. Pour toi, à vous. La famille c'est tout, le reste c'est rien. La famille c'est tout, le reste c'est rien. La famille c'est tout, le reste c'est rien. La famille c'est tout, le reste c'est rien. Une grosse dédicace à Inaya, Lenny, Luna, Naël. Luna à l'instant en live. Ça y est, yes. Ils ont tous les enfants un morceau. Ouais, ouais. Ça y est, c'est fait. Voilà, comme j'ai dit à ma femme, 4 on stoppe, hein. Voilà. Doucement avant, doucement arrière. Doucement avant, doucement arrière. C'est Soprano, le Cosmotour. Avec nous, il y a évidemment Vince et qui est Oncle Phil qui est là. Il y a un live de prévu ou pas ce soir? Il y a un live de prévu ou pas ce soir? Comme on a sorti le clip de Clown, on va faire Clown en live tout à l'heure. Très bien, le clip est arrivé. Tiens, dites-nous ce que vous pensez du clip. Balancez les messages avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Elle est jusqu'au bout du clip. Vous aurez une réponse à plein de choses. Mais je vais raconter, oui, je vais le dire parce que. On peut le dire, maintenant c'est dispo, ouais. Voilà. Ah, attends. Ah, regarde qui m'appelle. Ah, monsieur Walidia. Ah, ben regarde, si on va essayer de l'appeler comme ça, il va dire un petit mot. Attends, c'est quoi? Laisse-moi décrocher. On est en émission, on s'en fout de ce que tu racontes, ciao. Voilà, c'est Agar, c'est pas bien, frère. Oh, tu l'as Agar. Agar. Non, on va le rappeler tout de suite. On va le rappeler tout de suite. Parce qu'il appelle sur ton portable. Jamal va filer à Marjo. Et tu lui donnes le numéro. Tiens, Marjo, récupère le numéro de Wally. De Wally, déjà, il est là. Voilà, tiens. Allez, on va récupérer. Non, juste un petit mot sur le clip, donc Clown. Voilà, à la fin, en fait, j'ai fait. Il y a mon pote Black M qui intervient dans le clip avec un nez rouge. Les gens le verront dans le clip. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se disent, mais je garde le sourire, Clown, c'est le même thème. Mais en fait, on n'a même pas fait exprès. Je me rappelle, lui, quand il a sorti sa réédition, quand il a fini, le temps qu'il l'envoie en fabrication, mon album est sorti le même jour ou la même semaine quand il faisait ça. Il a vu le tracklist, il a vu Clown. Et je me rappelle, il m'a appelé. Il me dit, je crois que je suis obligé de changer le titre d'une chanson. J'ai fait quoi? Il m'a dit, j'ai une chanson, elle s'appelle Clown. Donc il a carrément changé le titre. Il a gardé, je garde le sourire. ça y avait, c'est la seule chose qui pouvait changer. Je suis un clown, ouais. Voilà. Et moi j'ai dit ah merde. Et en plus je lui ai dit mais nous on doit l'envoyer le morceau et le clip bientôt. Il m'a dit ah merde, mais nous ça y est on l'a envoyé déjà. Oh merde. Donc j'ai dit bon comment on fait. Donc là nous en fait quand on a changé, on a envoyé Fresh Prince en premier et lui il a envoyé le morceau. Et voilà, et quand je l'ai appelé, j'ai dit je faisais le clip, je refaisais les images du clip. Et je lui ai dit viens, comme ça, ça fait un petit clin d'œil au morceau et voilà. C'est ouais, cool. Il est donc dedans, donc allez mater le clip de Clown. Tiens, alors c'est bon, on a récupéré Wally. Allô Wally. Ça va? On t'a raccroché un peu la gueule, je suis désolé. Hey, c'est pas moi mon frère. Hey, ah, c'est Fred, mais Fred, mais non. Quoi, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi, tu me fais ça? C'est pas moi. C'est Vincenzo. Eh, hey, non, deux secondes. Eh, hey, attends deux secondes. On va laisser passer notre gigoteur, notre Jeffrey National. C'est notre Jeffrey National, monsieur Walidia. Ah, gigoteur, ça me fait plaisir. Bah ouais, parce que j'allais jouer là. C'est pour ça que. Mais quand là, tu montes sur scène, tu montes là, sur scène. Là, je vais y aller. Là, je suis en retard. Je suis dans ma voiture. Et t'appelles pas Oncle Phil, espèce de gigoton. Venez dehors. Vous c'est où tu joues, Wally? Là, je joue pour un petit truc, une petite association. D'ailleurs, je vais rejouer pour eux le vendredi. Ça s'appelle Africarte. C'est cool, c'est un joli truc. C'est où? C'est caritatif. C'est où? C'est très bien ça. C'est caritatif. Bah, vendredi, ça se passe à l'espace Reuilly, le 6, à l'espace Reuilly aussi. Et donc, allez-y, prenez des places, c'est pour une bonne chose. Yes. Voilà, c'est pour un bon truc. Et puis, moi, je joue après au Théâtre Trévise, moi, après, à Paris. J'espère vous que. Tous invités. J'espère qu'ils vont pas te gâcher le spectacle en t'appelant Jeffrey pendant tout le spectacle. Ce serait quand même malheureux. Mec, tu sais, il y a des pancartes avec des. Non, gens. C'est pas. Vrai. Wow. Il y a des trucs de fou. C'est notre Jeffrey National. Mais on en parlait, c'est vrai. C'est quoi le truc le plus fou? Le truc le plus fou, c'est un saut de glaçons sur la tête. Les pancartes de supporters, les gens qui viennent avec des glaçons au spectacle. C'est vrai? Je sais pas comment ils font parce que pour transporter les glaçons de chez eux, ils viennent avec leur glacière et tout. Enfin, c'est des ouf. C'est mortel. Moi, je trouve que c'est un super truc. Et puis, dès que je vais sortir en club ou quoi que ce soit, le son de Sopra, c'est le son de la soirée. Enfin, c'est ouf. Wow. Wally, tu es trop fort. Wow. Merci mon frérot. Tu peux raconter la fois où tu m'as envoyé un message pour me dire que carrément dans une école de droit. Ah putain, mais ça c'était fou. Tu sais qu'il y a des, tu vois les, enfin Fred il a pas été à l'école. Non. Mais pour les gens qui sont à l'école. Moi je suis allé à l'école de travers, ouais. Vas-y. Pour les gens qui font des études de droit, il y a ce qu'on appelle des cas pratiques. C'est en gros qu'est-ce que tu ferais dans certaines situations. Et là il y avait un truc en gros comme si Soprano et moi on avait un problème de livraison de glaçons. Et ils ont donné ça vraiment dans fac de droit à des élèves de droit quand ils ont donné ça à résoudre. Mais c'est vrai, attends, Wally, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu fous à rôder encore autour des écoles, franchement, à ton âge aussi. Des écoles de droit, c'est des majeurs, arrête de me faire passer pour un pédophile. Tu vois, tu m'inquiètes, Wally, hein. L'école de droit, c'est pas une école maternelle. Jeffrey, doucement avant, doucement arrière, Jeffrey. Bon, on ira te voir en tout cas, Wally, qu'on aille te voir. Théâtre Trévise, quand venez avec des pancartes, des glaçons, voilà, des trucs, on part en steak, on s'en fout et on fait n'importe quoi. Bon, bah, passe un bon spectacle et vendredi, yes. Donc, l'espace Reuilly, ça c'est pour voilà, faire une bonne action, aller voir Wally, voilà, en plus, passer une bonne soirée. Je reprends à partir du 11 mars au Théâtre Trévise pour tous ceux qui veulent venir me voir et me jeter des glaçons sur scène. Avec plaisir. Venez avec vos glacières, ça roule. Bon, je profite de cette occasion, je l'ai déjà fait, mais je profite parce que là c'est spécial. Jeffrey, c'est la soirée Jeffrey. Yeah! Et voilà, je m'excuse auprès de tous les Geoffrey. Jeffrey. Ah, tu les as pourris là. Ah ouais, j'étais en Corse il n'y a pas longtemps. Il y avait deux serveurs qui s'appelaient un Jeffrey et l'autre Geoffrey. Je te le dis, ils m'ont regardé de travers quand je suis rentré dans la salle. Ah ben. Ah ouais. Donc, je tenais encore à m'excuser. Il y a des Jeffrey qui viennent en club. Ouais. Et bizarrement, c'est pas les plus bons danseurs. C'est bizarre. Les plus bons danseurs. Ouais. Malade, c'est dans son carton, ils sont finis. Bon, merci Wally d'avoir été avec nous en tout cas. Avec merci Wally d'avoir appelé. Et on t'attend. Tu reviens quand tu veux. Bah, je viens demain, je viens dormir à la maison demain. C'est vrai, c'est sympa. Il y a toujours ton petit lit qui est prêt, t'inquiète pas. Ça va. Viens avec tes copines de fac de droit. Bon, voilà. Ah, ben, toi. Ben, il est gigoteur. Gigoteur. Salut les gars. Ciao. Bon spectacle, ciao. Walidi, allez le voir. Franchement, trop fort, Walidi. Ouais. On en était où? Freestyle par téléphone. C'est vrai qu'on a pris, on a la bourre là. Ouh là là. On va y aller. On va recevoir Lacrymo de Toulon. Hey, Lacrymo qui vient rapper dans l'émission. Tu vas t'arrêter. Ah. Mais c'est la crème. C'est l'émission de famille, hein, vous le connaissez, la crème au Toulon. Hein. Oui, qu'on connaît. On connaît, ça fait ça des années. Zach et Diego, ils sont là déchaînés. Ça va, tranquille, tranquille. Ah, c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est petit. Il est toujours là, ça fait plaisir. Est-ce que tu es prêt? Tu veux rapper à cap, c'est ça la crémo, hein? Ouais, c'est ça. Je veux le balance. C'est ce qu'il faisait. Il appelait chez nous un traître la nuit. Il avait trouvé le numéro de chez nous. Il a appelé. Toi, je me rappelle pas la crémo. Toi, je me rappelle pas. Ah, voilà, il a appelé à la daronne. Il a appelé à 3h du matin. Ma mère, elle répondait: oui, c'est ici chez Soprano. Je crois qu'on le sait pas. Hein? Tu faisais ça, toi, la crémo? Wow. Non, c'est pas osé. Bah non. Arrête, hein, on le sait. Laissez-le rapper. Allez, vas-y. Allez, on t'écoute, la crémo session freestyle par téléphone et à cappella maintenant. Ouais. J'ai pris ma plume avec des pincettes pour ne pas trop choquer. À l'horizon, nuages de brume empêchent le soleil de briller. La vie est rude et chaque embûche devrait nous faire avancer. Mais certaines font si mal qu'il est difficile de se relever. Des proches partis trop tôt, qui dit celle-là c'est pour toi. Quand je ferme les yeux, je vois ton visage, car tu vis dans mon cœur, mon espoir. Je l'ai quand je pense à toi, et plus dans mes jours de gamberge. J'étais constipé la nuit, me donne la force que j'ai perdue la veille. Ne pas pleurer les morts, mais plutôt plaindre les vivants. Car vivre sans amour, c'est vivre avec un flingue sur la tempe. L'amour d'une mère vaut plus que tout l'or du monde. Une pensée pour ceux qui n'en ont plus, garder la force car c'est un ange. Je ne comprends pas certains comportements. Faire du mal à ceux qui nous aiment pendant qu'on aime ceux qui nous offensent. Triste époque quand on y pense. Le monde tourne à l'envers tout comme ses habitants, c'est désolant. La réussite de l'un fait naître la jalousie chez l'autre. Évite de vivre dans le paraître, dans le vide tu feras un saut de l'ange. Très vite apprendre à devenir un funambule. Car la vie ne tient qu'à un fil, chercher notre équilibre et notre but. Yeah. À l'instant, hey, lacrymo. Tu m'as mis les frissons. Nah. Ouais, ouais, voilà, tu m'as mis les frissons. Franchement, bravo, merci, frangin. Hein. Ah ouais, franchement. Lacrymo, bien ou pas. Bravo à toi, lacrymo. Petit dédicace, petit message à passer, on t'écoute. Ouais, je vais faire une dédicace au frangin Riyad Game, à Casque Raloud, à mon équipe Carpe Diem, Picra, Teddy, Lorenzo, la Bodeka. Moïse Escamez, Roussong, Unique, la Nasme. La galette. MC du... Ouais, la galette. Non, mais ça, c'est obligé de le dire. Waouh, voilà, c'est obligé. Waouh, Nabil. Voilà. Une grosse dédicace à Nabil, la galette et toute son équipe. Eh ben, merci à toi, en tout cas, lacrymo. À bientôt, lacrymo. Est-ce que tu as besoin du numéro de portable de Zach, peut-être? Si tu veux l'appeler à 2-3 heures du mat. N'hésite pas. À plus. Ciao, lacrymo. Ciao, j'ai le courage. Allez, il est grand temps de passer au live maintenant. Le morceau, le clip est arrivé aujourd'hui. Yes. Voilà. Morceau plus mélancolique malgré cette soirée de Fresh Prince. Ouais, mais c'est, après ça viendra. Non, c'est la fête quand même un peu. Sur scène. C'est vrai que en même temps, ouais. Sur scène, faut vraiment être là. Faut vraiment être là parce que Fresh Prince, écoute-moi, quand monsieur Carlton Banks dans scène, wow. C'est quelque chose. Waouh. Je voulais répondre à une question. Bien sûr, il y aura aussi une surprise. Il y aura une surprise pendant la tournée qui s'appelle Kaina Samet, qui fera des petits coucous. Donc je lui fais une grosse bise. Un bisou à Kaina. Voilà, une dédicace à elle aussi. Voilà. C'est bête, ouais. Et maintenant, on se fait Clown en live. C'est quand tu veux répétition, on l'a dit. Hein. C'est les répétitions du Cosmo Tour. Ah, mais tu peux mettre le nez rouge aussi. Ouais. Désolé, ce soir, je n'ai pas le sourire. Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir je suis payé. Je remets mon nez rouge, tout le monde. Je ne suis pas drôle, mais ce costume coloré me rend ridicule, il me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin, avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui essaie de ronger sa laisse. Mais ce soir la salle est pleine, vous voulez que ça bouge? Donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge. Bientôt. Yeah. Cosmo Tour bientôt. Suis-je seul à porter ce masque? Oh, oh, oh, oh. Suis-je seul à faire semblant? Et ce costume qu'on enfile tous les jours, dis-moi, est-il fait sur mesure? Où nous va-t-il trop grand? Tout le monde, on tape des mains, on tape des mains! Soprano en concert! On tape des mains! En live! On tape des mains! Dans tous les zéniths de France! On tape des mains! On tape des mains! Gigoteur et gigoteuse! On tape des mains! Clown, le clip est en live! Et ce soir! Merci à tout le monde. Sopran Baba Cosmo Tour à partir de la semaine prochaine. Yes. Oncle Phil, on dit bravo ou quoi? Ben oui. Et bravo à l'instant live. Évidemment. Bravo. J'ai cru voir le début d'une chorégraphie avec Zach et Diego. Hein. Non, mais parce qu'ils ont donné un peu là, j'ai vu. J'ai vu quelque chose. Mais non, mais parce qu'on est. C'était les répètes. C'est ça que je veux te dire. Ah, c'est les répètes. Donc c'est on pourra. Yeah, c'est j'ai cru voir un début de quelque chose en tout cas sur ce morceau clown. Je peux pas dire ce qui se passe. Je peux pas dire ce qui se passe, mais sur scène, il y a un truc précis. Voilà. On en parlera demain. Nous, on a vu ta chorégraphie par contre. La tienne, là, le tremblement de jambes. Le tremblement de jambes était pas mal. C'est un secret personnel, ça. C'est le coup du genou. Il est redoutable celui-ci. Il est bon à toutes les danses. Ah, celui-ci, là. Il est bon à tout. Les danses. Ça, yes. C'est le coup du genou, c'est un grand classique. Voilà. Bon, c'est le Cosmo Tour qui repart là à partir de la semaine prochaine, mardi exactement, au Zénith de Toulouse. Il y aura Dijon, Metz, Saint-Quentin, Lille, Dunkerque, Amiens, Paris, Nantes, Genève, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Marseille, Montpellier, Pau, Bordeaux, Niort, Limoges, Tours, Strasbourg. Chalon en Champagne, Montélimar, hein, c'est trop long. Je les apprends pas par cœur. Printemps de Bourges. Bruxelles le 30 avril, le 7 juin, Maubeuge le 10 juillet, Albi. 18 juillet, Vienne. Au théâtre, tu fais le théâtre antique de Vienne? Yes. Tu as déjà fait? Non. C'est magnifique. Ah ouais? Ah ouais. Si vous avez une date à aller voir, si vous êtes en vacances, tiens, le 18 juillet, prenez les places tout de suite. Je pense que ça va être incroyable à te voir là-bas. L'endroit est incroyable. Ok. Ah ok. Théâtre antique de Vienne, franchement. Ah, on va noter ça. 18 juillet pour aller le voir là-bas, Sopra Carcassonne ensuite, Juan-les-Pins, j'ai dit Juan les Pins, mais Juan-les-Pins, Nîmes, Colmar, la foire au vin de Colmar très bien aussi le 16 août, hein. Le 9 octobre à Rennes, Saint-Brieuc 10 octobre, 24 octobre au Luxembourg, le 13 novembre Angoulême et puis d'autres dates qui s'ajoutent aussi au fur et à mesure. Yes. Voilà, j'ai essayé d'oublier personne parce qu'on nous demande, ouais mais il passe pas vers chez moi. Et il passera on arrive, de partout. On arrive. Restez connectés. Est-ce qu'on finit avec un dernier morceau? On choisit un morceau de l'album. J'ai Gotan, je sais pas moi. Mettons un petit Fresh Prince. Faisons un truc, je sais pas. Yeah, c'était la soirée quoi, Fresh Prince. Allez, vas-y. Soprano, tu dis quoi? J'ai Gotan. Vas-y, y'a Zach, tu dis quoi? Ah, j'ai Gotan. Le live ou la version album? On met la. J'ai Gotan. On met la version, on a commencé avec. Eh ouais. Mais la version album, hein. Merci album. Allez, version album. Comme ça, on commence. Est-ce que Oncle Phil est prêt à nous ambiancer pour une dernière fois ce morceau, puisque c'est le dernier avant ce soir, avant de retrouver Sopra demain. Yes. Tu l'as dit. Hein. Hey, ladies and gentlemen. Dans une semaine, on part en Cosmo Tour live. Gigoteurs, gigoteuses, soyez prêts. Fresh Prince. Big up à Carlton. Big up à Jeffrey. Sopra, c'est comment? Jeffrey. Oh yeah, on est là. Jeffrey Tours, tous les soirs, tous les week-ends. Je marche accompagné de mes thugs. J'ai la classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les bestes. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le zbeul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma CQC, j'ai fait tout pour tailler ta gueule de bois. Bref, nous compare pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous, on fait des i depuis l'époque de la marelle. Oui, je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farrell. Ils se prennent pour Barzell, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bells. Nous, on brille sans l'aide EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne, danse à la cartonne. On danse comment? Danse à la cartonne. Danse à la cartonne. Jeffrey, hey. Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens. Convoité comme un Brinks. Tous les yeux sur ma sap. Tant t'es sapé comme sur Arte, donc ton mal qu'elle te zappe. J'entends des mecs qui claquent, claquent, claquent, claquent, claquent. Et des mecs qui prennent des claques, claques, claques, claques, claques. En voyant ma dernière snap, snap, snap, snap, back. Mesdames, je suis marié, pas de snap, snap, chat. Physio, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour entrer au Hilton. Laisse-moi danser à la Carlton. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton. On danse comment? Danse à la Carlton. Tous les week-ends. Danse à la Carlton. Vendredi, samedi. Danse à la Carlton. Avec Carlton. Danse à la Carlton. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Hey Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Hey Jeffrey, deux secondes, laisse passer les gigoteurs. Belle chemise à la Biggie, une coupe qui sort de chez Fab Barbershop. Hey Fab, bientôt le nouveau magasin. Même les gigoteurs, la classe ne fait pas le boule. Mais le boule fait la classe, mesdames. Jeffrey, mets-les tous en ligne. Ouais. Et on danse à la Carlton. On danse comme? Danse à la Carlton. On danse comme qui? Danse à la Carlton. On danse comment? Danse à la Carlton. Comme qui? Comme qui? Danse à la Carlton. Vas-y, danse à la Carlton. Eh, hey, à partir de vendredi, vendredi 6, on est au privé aux Angles, dans le sud. Et samedi 7, on sera au Papagayo à Bolène. Restez connectés. Carlton, Jeffrey, oncle Phil, au rendez-vous. Emirates, big up, Nana. Big up à toute mon équipe, Cosmo Live, Cosmo Team. Génial. Le Ghost. Aïe. Aïe. Ah, le Ghost, il paraît que c'est l'endroit où il faut aller, hein. Ah oui. Ben écoute, on est en bombe. Ah voilà, on est en bombe. Comme le chante aussi bien Alonso dans son album Règlement de compte. En bombe, en bombe, dans les bacs, en bombe. Eh bien, merci à vous en tout cas pour cette soirée. Merci à Vince d'être passé de retour après c'est le monde entier en fait, la tournée. Ouais, c'est tu fais un crochet là par Paris, mais tu repars là tout de suite. Non, ça va, je reste un peu. Ok, bon, un peu. Bah reste un peu. Mais ce week-end, tu seras donc du côté du ce sud. Ce week-end, on est au privé, donc aux Angles, dans le 30, pas très loin d'Avignon. Et samedi 7, on est au Papagayo, à Bolène. Et bah, allez faire la fête avec, dans le sud, avec Vince, oncle Phil. Oncle Phil et monsieur Carlton. Et monsieur Carlton. Aïe, mon Mon petit bleu, mon avant, petit Mauricien. Avant de te retrouver aussi sur le Cosmo Tour. Et avant de se quitter, on fait tourner aussi rapidement la roulette. C'est parti. Yes. Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. La roulette, j'ai perdu l'affiche. C'est. Eh ben la roulette, c'est Céline. C'est Lorena, Lorena. C'est Lorena, oui. Lorena de Toulouse. Oh, Lorena. Yes, oh, Lorena. Tu sais qu'on t'envoie les Marseillais là, un mardi, ils sont au Zénith de Toulouse, hein. Belle, trop cool. Eh ben à mardi, Lorena. Eh voilà, Lorena. Yeah. Et tu verras peut-être aussi Maître Gims en tournée, alors un petit peu plus tard. Novembre, décembre, dès que tu veux, tu dis stop. La roulette tourne. C'est le 10 décembre exactement à Toulouse, alors ça peut paraître loin. Dans la pression, ça se voit. Mais les places, tout pression, comme celle de Sopra Sarah. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Lorena, Lorena, Lorena, Lorena, Lorena. T'es dans ton sac, hein, t'es dans le sac. Elle répondait au nom de Lorena et elle repart avec ses deux places. Voilà, c'est pour toi. Félicitations. Félicitations. Merci, elle a besoin d'une troisième. Merci Fred. Elle a besoin d'une troisième place, elle vient de dire. Pour qui? Ben pour Lorena, elles sont trois. Comment elle fait? Eh ben, troisième place. Tu vas lui prendre. Merci Zach. Merci pour ce don, Zach, magnifique. On te fait un bisou Lorena, passe une bonne soirée. Ciao Lorena. Ciao. Ciao mardi. Merci à vous tous. Ciao. Merci à Mej, merci à Zach et Diego, merci à Vince, merci à Sopra. Sopra, tu n'as pas ouvert ton cadeau, je suis très déçu. Je fais pas de pub. Elias qu'on salue qui est derrière. Voilà, on fait une dédicace à Elias. Qui nous a fait un super gâteau d'ailleurs. Je fais une dédicace à Iman, Gina, Iliana, tu le sais. Moi je l'ouvre parce que voilà. Oh là là, mais tu vois. Qu'est-ce que c'est dégueulasse que tu nous montres là. Pour une magnifique écharpe du Paris Saint-Germain qui joue. C'est quoi cette année ça? Non. Non, c'est pas ça. Il a halé. Est-ce qu'on peut prendre une fois? Il a halé. C'est l'écharpe. Khamsa. C'est l'écharpe de Wey Charlie. Waouh. Eh oui. Jamal, il a rien dit de la semaine. Il arrive. Bim, punchline. Merci. Et allez, Paris. Allez Paris. Eh non. Pico. Allez loin mon On va pouvoir suivre ça chez D-Fool maintenant. N'oubliez pas, à partir de la semaine prochaine, le Cosmoto reprend folie. Et restez connectés. Quel le site internet, toutes les boutiques officielles seront là. Très bien. Mais bon, vous allez aller loin parce qu'on jouait pas l'OM ce soir. Bah non. Ouais, mais il y a Paris qui joue. Ouais, mais c'est tout le temps. Oui, parce qu'on allait l'OM pour ce soir. C'est non. Ça. C'est l'OM. Allez l'OM toute la vie pour l'OM. Toute la vie. Non, ne joue pas parce qu'on est en plein trap. On d'accord. C'est des plannings qui correspondent quoi. On joue autre part. Bon ben nous on va s'occuper de Monaco PSG alors ce soir. Entre autres. À mon avis vous allez perdre. Ah ben moi je suis pas PSG. Moi je vais Saint-Étienne lui. Les Saint-Étienne. Ah, exactement. Moi pour la Coupe de France Saint-Étienne est encore là, toujours derrière Saint-Étienne. Voilà. Mais tu vas t'arrêter. On ne s'arrête jamais les Stéphanois, vous savez. Vert comme le citron. Et citron vert bien sûr. Ah oui. Et on remet des glaçons. Petit punch, cochon. Eh bien, on est de retour demain, cochon. Non, mais dis donc. Oh. Ah ouais. Demain soir, à partir de 20h, Soprano. Et peut-être une surprise dans la radio libre ce soir avant minuit. Mais j'en dis. C'est ça. La surprise, on arrive là. Merci pour la surprise, c'est cool. Une grosse surprise. Ah ouais, vous verrez. Faut rester là. Non, faut rester là. J'ai vu la vidéo de Fredo qui danse là. Ah ouais, moi aussi, bravo. La vidéo. Mec, à la Carlton lui. Mais tu as vu qu'il a failli tomber aussi. Ouais, avec mes sages sur la table. Et quand il me fait les bacs, est-ce que tu le vois? Oui. J'entends ce qu'il fait à la Carlton. Ouais. Il est énervé. Ah non, mais la souplesse du mec quoi. Il lève la jambe, il tombe. À la Carlton, oui, tout court. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour ceux qui voudraient pas louper ça, c'est ouf, Redo, qu'on peut voir cette magnifique démonstration. Par exemple, sur le skyrock.fm, sur le planetrap.skyrock.fm. C'est tellement partout que. C'est partout. J'ai envie de te dire sur des sites américains aussi. On se fout de ta gueule. Oui. C'est un peu partout. Tu es sur World Star Hip Hop parce que Romano est déjà passé sur World Star Hip Hop. Non, mais ça va pas tarder dans la nuit, je pense. On est passé sur World Star Hip Hop. Ouais, Romano, à la une de World Star Hip Hop avec Wiz Khalifa. À la une avec Wiz Khalifa. Mais c'est normal, c'est notre gigoteur de Skywalk. C'est lui. C'est normal, les mecs. Et ben merci pour ce beau Planète Rap. Encore une fois, demain soir, ça gigote à partir de 20h, 21h. C'est le Cosmotour qui se prépare en direct avec Fredo. Bon, merci Fredo. Et demain, peut-être d'autres prouesses, hein, on t'attend. Certainement. J'ai envie de te dire certainement. Demain, c'est encore différent. C'est encore un autre style. On va parler beaucoup plus du show avec un invité surprise. Vous aussi, vous êtes des invités surprises alors. Un indice? Non, je ne dis rien. Parce que déjà ce soir, il y a déjà une surprise. Pas vrai, Dufour? Ouais, il faut rester là. Rester dans la radio libre. On arrive, Dufour. Il y a partout des surprises. Yeah. Merci à vous et à tout. Et peut-être à tout à l'heure, on va dire alors. Ciao. Et jusqu'à minuit. Prépare les cadeaux, prépare les jeux et tout. C'est parti, iPhone 6. Prépare les jeux PS4. Ah, je savais pas qu'on allait se faire racketter ce soir. Non, mais c'est ça. PS4. Ok. Merci en tout cas, à tout à l'heure. Nous, on arrive tout de suite sur Skyrock. Le temps d'écouter Mark Ronson et Bruno Mars. Ah, j'adore ça aussi, je danse là-dessus. Allez, vas-y, Fred, danse. Mark Ronson et Bruno Mars. Funk et Radio Libre, c'est parti. Ciao. Ciao. 1500 euros.